Chapitre 2e, l'atelier de peinture sur le bord de la rivière. Edward Arundel resta éveillé la plus grande partie de cette nuit de novembre, écoutant la pluie qui tombait sans relâche sur la terrasse et songeant à Paul Marchmont. C'était à cet homme qu'il devait demander compte de sa femme. Rien de ce qu'Olivia lui avait dit n'avait affaibli cette détermination. Le petit soulier trouvé sur le bord de l'eau, le placard collé au pilier couvert de mousse de l'entrée du parc, l'histoire d'un suicide probable ou d'un accident plus probable encore. Tout cela n'était rien côté des soupçons du jeune homme sur Paul Marchmont. Il s'était moqué des craintes du pauvre John en ce qui concernait son parent. Il avait cru faible et déraisonnable, et maintenant, sans des motifs plus sérieux, il était prêt à condamner cet homme qu'il n'avait jamais vu comme traître et faiseur de complot envers sa jeune femme. Il se tourna et retourna dans son lit toute la nuit, faible et fiévreux, avec de grosses gouttes de sueur froide inondant son visage, et dormit parfois quelques instants d'un sommeil agité par des rêves sans suite, où figurait constamment Paul Marchmont, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Ses rêves manquaient complètement de bon sens, car quelquefois, Edward Arundel et l'artiste luttaient l'épée au poing, et avaient tous deux soif du sang de son adversaire, et un moment après ils étaient amis, et l'avaient été, semblait-il, depuis des années. Le jeune homme s'éveilla en sursaut de l'un de ses derniers rêves avec de bonnes paroles d'amitié aux lèvres et vit la lueur du jour pénétrer dans sa chambre à travers l'étroite ouverture des rideaux en damas de la fenêtre. M. Morrison étalait déjà l'attirail de toilette de son maître sur la table en chêne sculptée qui servait à cet usage. Le capitaine Arundel s'habilla aussi vite qu'il put avec l'assistance de son valet et se dirigea ensuite vers le grand escalier en s'appuyant sur sa canne dont il avait bien besoin car il était aussi faible qu'un enfant. « Il vaut mieux que vous me donniez le flacon de cognac, Morrison, » dit-il. « Je sors avant de déjeuner. Vous vous ferez même bien de venir avec moi, car je ne crois pas pouvoir aller loin sans le secours de votre bras. » Dans le vestibule, le capitaine Arundel trouva l'un des domestiques. La porte occidentale était ouverte, et cet homme était sur le seuil à interroger le ciel. La pluie avait cessé, mais la journée ne promettait pas d'être bien belle, car le soleil ne brillait pas plus qu'une boule de cuivre brunie à travers le pâle brouillard de novembre. « Savez-vous si M. Marchmont est venu au chalet ?» demanda Edward. « Oui, monsieur, » répondit l'homme. « Je viens justement de le rencontrer dans le quadrangle. Il a pris une tasse de café avec ma maîtresse. » Edward tressaillit. Ils étaient donc amis. Paul Marchmont et Olivia, amis, mais non pas alliés. Quelque misérable et vil que fût cet homme, Olivia du moins, était incapable d'une trahison préméditée. Le capitaine Arundel prit le bras de son valet, entra dans le quadrangle et du quadrangle pénétra dans le bois humide, où les arbres rabougris avaient un aspect fantastique tant ils étaient laids et noirs sous leurs feuilles. Tout faible qu'était le jeune homme, il marcha rapidement sur le terrain en pente qu'avaient détrempé des pluies presque continuelles. Il était soutenu par son ardent désir de se trouver face à face avec Paul Marchmont. La sauvage énergie de son esprit était plus forte que n'importe quelle faiblesse physique. Il renvoya Morrison aussitôt qu'il fut en vue du chalet et continua son chemin tout seul, s'appuyant sur sa canne et s'arrêtant de temps en temps pour reprendre haleine et maugréer contre sa faiblesse. Le chalet et le pavillon qui étaient au-dessus avaient été remis en état par quelques ouvriers campagnards. Une poignée de plâtre çà et là, une petite maçonnerie en briques neuves et une boiserie de fenêtres raccommodées en étaient la preuve. Les volets en bois vieux et lourd avaient été réparés, et une bonne partie de l'œuvre, commencée du temps de John Marchmont, avait été complétée d'une façon grossière. L'endroit, qui jusqu'alors avait semblé destiné à tomber en ruine, avait été garanti des intempéries et rendu habitable. La fumée noire, qui s'élevait lentement dans les airs au-dessus de la cheminée couverte de lierre, annonçait que l'intérieur était occupé. En outre, un grand appentis en bois avec une large fenêtre ouvrant au nord avait été construit à côté du chalet. Edward Arundel devina sur le champ que cet appentis grossier était l'atelier de peinture que l'artiste avait construit pour lui. Il s'arrêta un moment devant la porte de cet appentis. La voix d'un homme, une voix de ténor un peu grêle et métallique, chantait un air de Rossini de l'autre côté de la fragile cloison. Edward Arundel cogna contre la porte avec la poignée de sa canne. La voix cessa de chanter pour crier « Entrez !» Le soldat ouvrit la porte, franchit le seuil et se trouva face à face avec Paul Marchmont dans l'apprenti en bois brut. Le peintre avait encore son costume de travail. Son habit et son gilet se trouvaient sur une chaise auprès de la porte. Il avait mis une jaquette en toile et placé sur son pantalon de toilette un autre pantalon en toile très large. En ce qui concernait la jaquette et le pantalon plein de taches de couleur, rien n'était plus malpropre que l'extérieur de Paul Marchmont, mais quelques nuances de fantaisie recherchées apparaissaient dans le bonnet de velours noir qui contrastait avec la blancheur argentée de sa chevelure et la faisait ressortir aussi bien que dans la courbe délicate de sa moustache couleur d'ambre. Une moustache n'était pas un ornement très commun en 1848. C'était même une excentricité affectée aux artistes et qu'on leur permettait comme une folie à des gens qui ne sont pas responsables de leurs actions et soumis aux lois qui gouvernent les gens raisonnables et respectables. Edward Arundel scruta avec soin la figure et la personne de l'artiste. Il jeta un rapide regard sur les murs tout bonnement recrépis de l'appenti, essayant d'y découvrir quelque indice à l'aide duquel il put se faire une idée du caractère du peintre. Mais il n'y avait pas grand-chose à glaner dans les détails de la chambre presque vide. Un poêle noir en fonte avec un tuyau courbé se dressait dans un coin. Une plaque de fer blanc clouée sur un volet en bois se balançait contre la fenêtre, au nord, au souffle du vent qui pénétrait par les fonds de la boiserie mal jointe de l'appenti. Un grand chevalet occupait le centre de la chambre. Des cadres en toile étaient empilés contre le mur, et çà et là, quelques tableaux achevés. Un paysage à la Turner, aux reflets rougeâtres, un ciel noir et gros d'orage, un défilé de montagnes teint en rouge de sang par le soleil couchant, était accroché à la cloison blanche. Des fragments de dessins à l'aquarelle et à deux teintes, de vieilles lithographies, des esquisses déchirées et froissées, des coins de rochers et de feuillages étaient éparpillés sur le sol et sur une table en bois blanc, de constructions bizarres et grossières et toutes tachées de couleurs, les tubes remplis de couleurs, les palettes, les brosses, les éponges, les linges sales et les plaques en étain graisseuse qui forment l'attirail d'un artiste. En face de la fenêtre au nord était l'escalier en pierre couvert de mousse qui menait au pavillon supérieur du chalet. M. Marchmont avait bâti son atelier de peinture contre le flanc du pavillon et de manière à boucher l'escalier et la porte qui en était la seule entrée. Son excuse pour cet étrange plan d'architecture était l'impossibilité d'obtenir d'une autre manière la lumière du nord si nécessaire pour éclairer son primitif atelier. Telle était la chambre dans laquelle Edward Arundel trouva l'homme auquel il venait demander compte de la disparition de sa femme. L'artiste était évidemment tout préparé à recevoir son visiteur. Il ne fit pas semblant d'être pris à l'improviste, comme aurait pu le faire un homme moins habile. L'une des maximes de Paul Marchmont était que de même qu'un imbécile est seul capable d'employer du cuivre, là où il peut facilement employer de l'or, de même aussi, un imbécile seul est capable de mentir quand il ne lui en coûte pas davantage de dire la vérité. « Le capitaine Arundel, je crois, » dit-il en avançant une chaise à son visiteur. « Je regrette d'avoir à vous dire que je vous reconnais à votre extérieur maladif. Mrs. Marchmont m'a prévenu que vous désiriez me voir. Ma pipe vous fatigue-t-elle ? Je la quitterai dans ce cas. Non. » Alors, si vous le permettez, je continue à fumer. Il y a des gens qui prétendent que le tabac fumé donne du ton à leur peinture. Si cela était vrai, les miennes devraient être des Rembrandt pour la couleur. Edward Arundel se laissa tomber sur la chaise qui lui avait été offerte. S'il lui avait été possible d'aller jusqu'à refuser cette avance hospitalière de Paul Marchmont, il aurait refusé. Mais il était trop faible pour rester debout. Il savait que son entrevue avec l'artiste serait longue. « Monsieur Marchmont, » dit-il, ma cousine Olivia vous a prévenu que vous pouviez vous attendre à ma visite aujourd'hui. Elle a probablement ajouté autre chose encore. Vous a-t-elle dit que je venais vous demander compte de la disparition de ma femme ? Paul Marchmont haussa les épaules comme quelqu'un qui aurait voulu dire « Cet homme est malade. Je ne dois pas me trouver blessé de ces absurdités. » Puis, ôtant sa pipe de sa bouche, il la déposa et s'assit à quelques pas d'Edward Arundel, sur la dernière des marches moussues qui conduisaient au pavillon. « Mon cher capitaine Arundel, » dit-il gravement, « votre cousine m'a répété une bonne partie de votre conversation d'hier soir. Elle m'a dit que vous aviez parlé de moi avec une violence, naturelle peut-être, chez un jeune soldat à tête chaude, mais nullement justifiée par nos relations. En venant me demander compte de la disparition de Mary Marchmont, vous agissez à peu près aussi raisonnablement que si vous me rendiez responsable de la maladie de poitrine dont mourut son père. Si, au contraire, vous venez me demander de vous aider à éclaircir le mystère de sa disparition, vous me trouverez tout disposé à faire de mon mieux. J'ai autant d'intérêt que vous à la solution de la question. Et en attendant, vous prenez possession du domaine. Non, capitaine Arundel, la loi m'y autoriserait, mais je refuse de toucher un shilling du revenu de ce domaine, ou d'agir en propriétaire jusqu'à ce qu'on ait éclairci le mystère de la disparition ou de la mort de Mary Marchmont. Le mystère de sa mort ? Dit Edward Arundel, vous croyez donc qu'elle est morte ? Je ne suppose rien, je ne crois rien, répondit l'artiste, je me contente d'attendre. Les mystères de la vie sont si nombreux et si incompréhensibles. Les histoires que lit chaque jour l'homme qui se donne la peine de parcourir un journal sont si étranges et ressemblent si bien aux improbabilités des folles fictions qu'inventent les romanciers que je suis prêt à croire n'importe quoi. Je fus frappé la première fois que je vis Mary Marchmont de son manque de force d'esprit. Rien de ce qu'elle a pu faire ne m'étonnerait. Elle a pu aller se cacher au loin sous l'impulsion de quelques fantaisies excentriques. Elle a pu tomber entre les mains de gens intrigants. Elle a pu laisser avec intention son soulier sur le bord de l'eau pour éveiller l'idée d'un accident ou d'un suicide. Elle a pu aussi le perdre en cet endroit par hasard et être allée nu-pied à la station la plus rapprochée. Elle avait déjà agi déraisonnablement avant de s'éloigner de Marchmont Towers. Elle a pu agir de même une seconde fois. Vous ne pensez donc pas qu'elle soit morte ? J'hésite à formuler une opinion. Je refuse positivement d'en exprimer une. Edward Arundel rongea furieusement les bouts de sa moustache. La froideur imperturbable de cet homme qui n'avait rien de la douceur étudiée de l'hypocrisie et ressemblait au contraire à la franchise d'un homme du monde qui ne feint pas un sentiment qu'il n'éprouve pas, déjouait et rendait furieux le jeune soldat passionné. Était-il possible que cet homme qui l'accueillait avec tant de calme et n'évitait en aucune façon de discuter la disparition de Mary Marchmont, eût traîtreusement participé à ce malheur? Olivia avait l'air d'une coupable, mais Paul Marchmont semblait l'innocence en personne, non pas l'innocence scolaire et indignée de ce qu'on le soupçonne sa parole, mais l'innocence pratique et ordinaire de l'homme du monde qui est beaucoup trop habile pour jouer un jeu de vilain périlleux. « Vous pourrez peut-être répondre à la question que voici, Monsieur Marchmont, » dit Edward Arundel. « Pourquoi a-t-on douté de ma femme quand elle a raconté l'histoire de son mariage ?» L'artiste sourit, se leva et alla prendre un portefeuille dans une poche de son habit sur la chaise. « Je puis répondre à votre question, » dit-il, en choisissant un papier parmi plusieurs autres que contenait le portefeuille. « Tenez, ceci m'évitera la peine de parler. » Il tendit le papier à Edward Arundel. Ce papier était une lettre pliée en long et annotée ainsi « De Mrs. Arundel, 31 août ». À l'intérieur était un autre papier annoté également « Copie de lettre à Mrs. Arundel, 28 août ». « Vous ferez bien de lire la copie tout d'abord, » dit M. Marchmont, en voyant Edward Arundel regarder le premier papier. La copie était très courte et ainsi conçue. « Marchmont Towers, 28 août 1848. Madame. On m'a donné à comprendre que votre fils, le capitaine Arundel, 15 jours avant son triste accident, avait contracté un mariage secret avec une jeune femme dont je préfère, pour plusieurs raisons, ne pas vous donner le nom. Si vous pouvez m'obliger en m'écrivant au sujet du plus ou moins de fondement de cette assertion, vous accorderez une très grande faveur à votre obéissant serviteur, Paul Marchmont. La réponse à cette lettre, écrite par la mère d'Edward Arundel, était également courte. Dangerfield Park, 31 août 1848. Monsieur, en réponse à votre demande, je vous informe que le bruit auquel vous faites allusion est sans fondement aucun. Mon fils a trop d'honneur pour contracter un mariage secret, et quoique l'état malheureux dans lequel il se trouve maintenant m'empêche d'en recevoir l'assurance de sa propre bouche, ma confiance en ses principes justifie ma dénégation de la nouvelle qui fait le sujet de votre lettre. Je suis, monsieur, votre très humble Laetitia Arundel. Le soldat resta muet et confondu, la lettre de sa mère à la main. Il semblait que tout le monde s'était ligué contre la jeune fille sans défense qu'il avait choisie pour sa femme. Chaque main s'est élevée pour la pousser hors de la maison qui était à elle et la laisser dans un monde qu'elle ne connaissait pas pour qu'elle y errât en paria et y mourût peut-être misérablement. Vous ne devez pas être étonné qu'une pareille lettre ait confirmé en moi l'idée que l'histoire du mariage de Mary Marchmont était inventée par son cerveau malade en tout temps, mais plus affaibli encore à cette époque par la fièvre qui la dévorait. Edward Arundel garda le silence. Il froissa la lettre de sa mère dans sa main. Sa mère elle-même, cette femme tendre et compatissante, dont il avait promis la protection 10 ans auparavant dans le couloir de Drury Lane à la fille sans mère de John Marchmont, sa mère elle-même, par quelque horrible fatalité, avait contribué à couvrir de honte et à martyriser la pauvre Mary. Toute cette histoire de la disparition de cette jeune femme semblait enveloppée de ténèbres épaisses, à travers lesquelles il ne voyait pas clair. Il se sentait enserré dans une toile mystérieuse dont il ne pouvait sortir pour découvrir la vérité. Il faisait question sur question et recevait des réponses qui n'avaient rien de louche. Mais l'histoire n'en était pas moins obscure. Quelle conclusion tirer de tout cela? Où était le fil à l'aide duquel il se guiderait dans ce dédale? Était-il probable que cet homme, que ce Paul Marchmont, affairé parmi ces tableaux inachevés, ayant, soit en parole, soit en action, l'allure facile d'un franc soldat de fortune, fut coupable de quelque trahison subtile envers la jeune femme absente? Il n'avait pas cru à son mariage, mais il avait eu ses raisons pour douter d'un fait dont la nouvelle ne pouvait lui être très agréable. Le jeune homme se leva et se tint debout comme un homme irrésolu qui réfléchit sur certaines difficultés. « Allons, capitaine Arundel, » s'écria Paul Marchmont cordialement. Croyez bien que, quoi qu'il ne reste plus en moi beaucoup de sentimentalité après ma longue lutte avec le monde, je puisse cependant encore sympathiser avec vos regrets au sujet de cette pauvre folle enfant. J'espère pour vous qu'elle existe toujours et se cache quelque part avec un entêtement déraisonnable. Peut-être que maintenant qu'il vous est possible de prendre part à cette affaire, vous serez plus heureux que nous dans vos recherches. Je suis assez vieux pour être votre père et je suis tout prêt à mettre à votre disposition l'expérience du monde que j'ai acquise durant ma vie. Voulez-vous accepter mon aide ? Edward Arundel réfléchit un moment, la tête courbée et les yeux fixés sur le sol. Puis, se redressant tout à coup, il regarda l'artiste bien en face en lui répondant « Non, s'écria-t-il, votre offre peut vous être dictée par de bonnes intentions, et s'il en est ainsi, je vous en remercie. Mais personne n'aime Mary comme moi, et personne n'a autant de droit que moi de la protéger et de la défendre. Je chercherai ma femme tout seul et sans l'aide de qui que ce soit, excepté de Dieu à qui je demande de vouloir bien me secourir. »